Le dernier jour. Livre audio gratuit. Nouvelle de André Beaunier. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org.